CKRL, écoute. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est avec vous. Pour se reposer un peu les oreilles après un bloc de drum and bass assez brutal, merci, on va aller du côté de l'Indonésie, une étiquette qui s'appelle One Loop. Je vais vous présenter une pièce de Nankotsu Teacher, la pièce berceuse. C'est une pièce qui est faite par un professeur finalement qui expérimente avec le piano puis avec, avec son PC. Donc ça donne une pièce vraiment, vraiment mollo. On débute avec ça puis je vous reviens par la suite. C'était Berceuse par Nankotsu Teacher. C'est sur l'étiquette One Loop, une étiquette qui nous vient d'Indonésie. pour le reste du bloc, je vais vous faire passer des pièces qui sont sur un album compilation sur l'étiquette One Loop. L'album s'appelle Sympathy for the Indonesian Music Industry. Une étiquette assez mollo qui donne dans ce qu'on pourrait appeler de l'électro. Je sais pas, je vais vous laisser écouter, vous allez pouvoir en juger. On va débuter avec Groupie Delights, la pièce de Loneliest Evening, puis c'est suivi par Woo M avec la pièce Neo. Thank you. C'était la pièce Neo par Woo M. Avant ça, c'était Groupie Delights avec la pièce The Loneliest Evening. Deux pièces qui sont sur la compilation Sympathy for Indonesian Music Industry. Une compilation qui est sur l'étiquette One Loop, une étiquette qui nous vient d'Indonésie. Sur la même compilation, je vais vous présenter deux autres pièces. On va débuter avec Berserk 2, Dengan Disco, la pièce After She Leaves Me. Ensuite de ça, c'est Asturias avec Can't Sleep. Thank you. Le repêchage pour la programmation été 2008 bat son plein à CKRL. Nous sommes à la recherche de nouveaux talents affamés, imperturbables et dévoués. Obtenez le formulaire de présentation de projet d'émission à ckrl.qc.ca ou au 405 3e Avenue. Faites un démo de 15 minutes et venez porter le tout avant le 29 avril. La radio, c'est beaucoup plus accessible qu'on le croit grâce à CKRL 89A. En 2008, la littérature francophone est à l'honneur au Salon international du livre de Québec. Des accents d'Amérique aux accents du monde, plus de 800 auteurs seront présents et reflèteront la diversité francophone d'Amérique et du monde. Du 16 au 20 avril, le Salon international du livre vous attend au Centre des congrès de Québec. Pour connaître la programmation, consultez le silq.org. Une présentation des gouvernements du Québec et du Canada, de la Ville de Québec, de l'Organisation internationale de la francophonie et du Comité français du 400e anniversaire de Québec. CKRL, écoute, écoute. De retour à Web Music. Avant la pause, vous avez entendu des artistes sur la compilation Sympathy for the Indonesian Music Industry. C'est sur l'étiquette One Loop. On avait entendu tout juste avant la pause Asturias avec la pièce Can't Sleep. C'était précédé par Bersektu Dangan Disco avec la pièce After She Leaves Me. Pour poursuivre l'émission, je vous propose des artistes qui sont sur l'étiquette Love Pump United Records. Une étiquette vraiment spéciale qui donne dans l'expérimental. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a de l'électro, du mat rock. Vous allez voir, c'est vraiment varié. On va débuter avec Glitter Pals, la pièce Unleashed de Compassion. Ça va être suivi par Miracle of Birth, la pièce Thirst for Hunger. Puis Child Abuse avec Preemptive Priapism. Ces deux pièces-là sont sur l'album Childbirth Split. C'est un album split des deux artistes. Donc pour tout de suite, Glitter Pals. We'll be right back. c'était Preemptive Priapism par Child Abuse. Avant ça, c'était Miracle of Birth, la pièce Thirst for Hunger, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Childbirth Split. Avant ça, ben, c'était Glitter Pals avec Unleashed Compassion. Des artistes qui sont sur l'étiquette Love Pump United Records, comme vous avez pu le constater, une étiquette vraiment intéressante. On poursuit avec d'autres artistes qui sont toujours sur Love Pump United Records. On va entendre, pour débuter, Dynasty and Bag, la pièce Fading Away. Ça va être suivi par Indian Jewelry avec Come Closer. Puis enfin, on va entendre AIDS Wolf avec We Multiply. Yeah. c'était We Multiply, c'était par Aids Wolf. Avant ça, c'était Indian Jewelry avec la pièce Come Closer. Puis c'était précédé par Dynasty and Bag, la pièce Fading Away. Des artistes qui sont sur l'étiquette Love Pump United Records. Pour terminer l'émission, il nous reste deux pièces qui sont sur l'album Health et Crystal Castle 7-inch. Je vais débuter avec Health, la pièce Crime Wave, puis suivi du groupe torontois Crystal Castle qui donne dans le 8-bit. On va entendre la pièce Mother Knows Best. Mais pour tout de suite, Health. We'll be right back. vient tel qu'un peu de 8-bit trash pour finir l'émission. C'était Crystal Castles avec la pièce Mother Knows Best. C'était précédé par Health avec la pièce Crime Wave. Deux pièces qui se retrouvent sur l'album Health Crystal Castles 7-inch. C'était sur l'étiquette Love Pump United Records. C'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que la plupart des pièces que vous avez entendues, ben, ça se retrouve pas en magasin, ça peut seulement être téléchargé. Donc, pour ça, je vous invite à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org ou vous pouvez passer aussi par le site de CKRL qui est au ckrl.qc.ca. Sur le blog de l'émission, vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces gratuitement. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h30. Puis d'ici là, ben, vous pouvez réécouter l'émission parce que ça est disponible en balado-diffusion. Donc ça va être disponible, j'imagine, à peu près demain soir. Donc d'ici là, ben, passez une belle semaine sur les ondes de CKRL. CKRL remercie Via Rail, la boutique Le Pédalier, le théâtre Périscope, le théâtre Le Trident, Catherine Plaisance, artiste, le théâtre La Bordée, Julie Savard, artiste, la salle Albert Rousseau, le Capitole de Québec et le Festival de la chanson de Tadoussac pour leur généreuse contribution lors du dernier Radioton de CKRL. CKRL, écoute, écoute. Marijuana is harmless.